بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي على الحرازم برادة، ناقرنا شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله: والنور الساري الممدود. اعلم أن النور الساري الممدود هو الوضع الإلهي الذي عنه وجدت الأكوان جليلها وحقيرها من الأزل إلى الأبد إلى آخره. ci jotay bi wessu ñuy doon wax ci yentibi sallallahu alayhi wasallam manam ñu mu nekké turjumanu lisanu kadam ak mom le fait que mom moy allahul mahfuz manam mom moy ki nga xamne moy lantinoru kaddu borom subhanahu wa ta'ala xamne dafa jitu wa niki nonu mom non la nekké tamit ki nga xamne mom moy alluwa bi nga xamne dañ ko wott mom moy lawhu alluwa bu mag bi wala manam bu non ki dañ na moy disque dur bu mag bi wa moy disque dur bu mag bi nga xam tane information yep ci mom la wa sallallahu alayhi wasallam legui nak ñu ñew ci benen aspect ci mom mom moy war nur motax ti yaqutu haqaiq mu ne won nur ak lerr asari bay aji daw al mamdud bi nga xam aji talal wax mo mad da moy luñu tal en fait voilà moy luñu tal moy talal na en réalité batou midi fofu la joge ci te sant ci suryani la bat bob fofu la ci sant midi ci mad manam arab bi sax fofu la ko jël ci suryani bob moy du talal xam nga midi dent bi day nek ci digg bi nga xam tane lèr gi day talalu fep moy dal dent ndol wa voilà manam au milieu de la journée moy voilà au milieu de la journée en tout cas bu fekkante ne ki le bo xamne mo tata la manam journée bo xamne dafa digg doomu bo xamantene guddigi bu ciegge tolo hein midi ci la jant bi nekk ci digg bi on a l'air gnay tawal complètement mengo kon moy l'air gogo deng kon gis nga mo la l'air gogo nga xam mom moy bit bi daw bo fa retal moy midi rek yannabi sallallahu alayhi wasallam mom la manam mune wax joju qawlu wax joju moy won nur ak l'air yannabi sa moy al l'air asari ba ajra al mamdu gnu talal mune i'lam xamal ne anna nura nak lere asari bi nga xamantene moy aji daw al mamdud bañu talal wo moy al wadu tegu al ilahi gay ko dug bur yalla alladhi bur alladhi bi nga xamne anu ci mom wujira ci lañ amalar ak waanu nek ci jaliluha yi ci dis yi ci upp yi ci maggi wa haqiruha yi ci sewi mom yi reuy ak yi ci sewi min al azal liko dalé ci azal moy ba dara amugut ila al abad ba ta faw manam wa fala yatim kon du mat wujudu amuk shay'in dara min al mawjudat ci nek def illa lul bil maradi teub min nurihi ci leeram mom yelente bi sallallahu alaihi wa sallam ta musallamu ci mom manam kon yelente bi sallallahu alaihi wa sallam mom moy leer gi nga xamne mom moy bu talalu gi manam moy li nga xamne en fait bi daw ci lepp moy nurika lamil ladhi marata bihi kaunaka al-ha'it bi amkinatil makan lolay tek moy sa lere bi joll bu feñ bi nga xamne yow yalla sa lere go mu yemti bi sallallahu alayhi wasallam mom nga fessale mbolam nek ti fi ak fu beureb lere yemti bi sallallahu alayhi wasallam mo fa nek en realite mbiri dul dara lul feñ way lere yemti bi sallallahu alayhi wasallam kon lere go nga xamne mom la borom bi tek subhanahu wa ta'ala nga xamne a partir de l'air gogo ci la amale mindeef yeb li ci reuy ak lu ci touti xam nga leg day am yo xamne notion yo xamne da ngay japp ne yu basique la mais en réalité que basicul parce que dafa am ñu bari ñoo xamne dañuy jaawale mais bu yeme ci point bobu bari na ci ño xamne fim tol dañu japp ne manam ci ñi wax ci leer yalla leer yentim sa sallam dik genn ñom dañu japp ne yalla dafa am ay leer yu bari legi leer yu bari yoy mujjel ut ko tek ko legi ci la am ci leer yoy yu mujjele bind ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mbir bi demu non ah yenen te bi sallallahu alayhi wasallam moy ki ñeuk exister ci lu nu joyal mo ñeuk genné ci ñak existence ñew ci existence koku lool koku leer yenen te bi la sallallahu alayhi wasallam te leer yenen te bi sallallahu alayhi wasallam buñ koy wax moy ruham ben la moy réalité moy essence motax buñ waxe zaatu muhammadi wala nur muhammadi wala haqiqatu muhammadiyya wala ruh yantibi sallallahu alayhi wasallam ben la même chose mom la yalla ñëk genné amal ko à partir de mom ci le lepp amé motax mom moy bayyi bu ñëk ci lepp al abul awwal mais du né da fay wala dafa am ay yeneeni leer yu yalla yoron après ci leer go dedet lolu ko mal compréhension bu maga en tout cas de toute façon depuis biñ tambalé ba légui lolu mom ñu bokku suñu ñi ñi def amal gambo xeyno mais leg da ngay dégg fenen ñuy wax lolu té leg dañu ñara samra légui kon nak dara amul kon dara négatif dara dengal fala yatum wujud shay'in négatif dara du mat minal mawjudat ci négatif yépp lu mu ndon dengal ludul ci lan ci teub manam moy alimentation ravitaillement bi nga xamantene mom la la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ravitaillé manam c'est comme si mom moy générateur bi nga xamné courant bi fofu lay jogé di alimenter yenen minde fi lool la yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy leer gog fofu kon mom an-nur moy leer al-mutlaq bañu joyal moy bi absolu c'est la lumière absolue wa nuru teler hauna fi nak laysa nekul huwa mom kama comme ni nga xamne yufhamu nonu lañu degge annahu ne moy abdiyaa leer gi ñi wax te muy andak tangor almun basatu bi ajita lalu lu bi de bi propageu la lumière qui se propage bi nga xamantene mom lañu wax nga xamantene day composé ci ay photons ak yoyu mo koy genn ay do du bo mo nga xamantene electron yi ñoy dem ci à l'encontre de ben ki muy genné ay yenn tak tak do lolu taxul ñuy wax lan moy lumière bi ñuy wax ñuy propager wu ni hein bi ñuy gis ak bi ñuy gis man en fait l'air kenn du ko gis mais effet bi lañuy gis voilà lampe bi en réalité l'air gi ci nek du mo nga gis mais fi mu dal effet bi mu ci def lolu nga gis mais batay batay ken du lolou lañuy wax manam du lolou lañuy wax parce que l'air gogou motax fop l'air gogou day xaday and tangor day am tout tangor bu mu andal lu mu neew ne comme jant bi l'air bi ni ci nonu wër bi même bu fekkante ne wër bi l'airam du and ak tangor comme tangoru jant bi hein dana and ak tout tangor bi leer kon biñu wax muy propager wu non ci jawu je kay je yoy non bobu non bi taxul muy wax bal ni fi nek an nuru leer buñ ko waxe fi ni leer yentum sa sam al muradu lañu nam bi ci mom huwa moy alladhi li nga xamne yatimu dana mat al wujudu nek def bi ci mom minallahi bi tukke ci bur yalla taala aji kawaji bila wasita ci amul digdig la amul intermédiaire amul barrière amul médiane amul gis na manam amul ben dara luy intermédiaire entre les hein entre yalla ak leer gogou bimu ko manam moy nek def bi rek lolou lañ djublu ci leer bi motax dafa lolou abana min nuhi nurin nabal alami lolou lay tek amul benen sens lolou il faut ñu xam ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa amal yalla dafa amal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu namé sunu soso dafa amal leer yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci leeram lol do ngolay tek tekki wu lenen moy yalla daf ko genné ci ñak am indi ko ci am lol lañuy wax leer comme nimu waxé ni mom Allah ba far dañ nuru samawati wal ardi moy leeru asmanu suf mana mom mo genné asaman yi souci ci ñak am indi len ci am ba ñu mëna feñ genné len ci xam xamam ak nam namam manam nga xamantene fofu bañ fa nekké ci lundum lañu né existé wuñ ci biti à l'extérieur dans le monde extérieur néa lañ won mu genné len à part du néa indi len dans le monde extérieur loolu lay tékki né yalla moy lèr asaman ak souci mais tékki wul né yalla ci jëmmé bopam da nek ni nek leer gi nga xamne buñu gisee leeru jant bi momo jant leer bi nangam nangam et cetera mu nek ay portion de lumière yo xamantene day propager wu ci asaman ak souf ci lolu hasha wa kala koku na waxante ak yalla di wax wax yu mel non kon fi han yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñu ne yalla manam moy luñu doon wax ci jotay yi wessu yep depuis biñu tambalé sharh ñaan bi mu yaqta haqaat biñ ko tambale bi legi loolu lañ doon wax ke ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla mi ngi koy genné ci manam bi mom la ñëk genné ba paré manifester ci mom lepp li nga xamné moy turum yek mel na yek mbir yep ci loolu la ci mom la aju won nuru leer nak fil haqiqati ci deug deug ho moy al wujudu moy ak nek tuf al mutlaq ci luñu jëgal loolu lañu tuddé leer moy l'existence absolue loolu lañu wax leer légui leer l'existence absolue mom lañu wax leer kon leer kenn djublu wu ci ñun les physiciens di wax leer hein loolu nak c'est que xawma je sais pas mais il faut wax joju leer ci bop wolof yi parce que sénégalais dafa melni ñoo buñu déggé xéet wax yoy ci yalla ci lèr yeen bi sallallahu alayhi wasallam manam wala yoy ñom dañu japp né lèr il faut mu nekk lu matériel ah ah lolu physicien yi ñokoy wax lèr mais tay buñu né di dënn bi da am lèr lan lay tékki tékki wul ab lampe mo ci téw hein dédé moy dafa am ay xam xam yu tukki ci borom bi hein ak yo xamantene ay sew sew la yo xamantene yu xoot la yu yalla def ci deunam bi ubbil ko ba para mu ci meun di xamnewé yi nga xamantene ñom ñoy subtilité yi lolo leer ak li nga xamantene day manam ngeum yalla gi ak yaqeen bi mu andal manam wolu gi mu wolu yalla ak existence xam bi mu ko xam ci bu leer ci mom ak wetal gi mi wetal yalla yoy lañu wax leer mais buñu wax leer djublu wuñ ci mukk ki bi mo do bi ngi don wax sank ki bo xaw liron ko parti bobu est ce que peut-être que parti 6 bi nga li xawma wala parce que ci parti 6 bi et la différence entre lan lañu wax secret lañu wax leer wala ak zikkar bon rapport la am ak ñoo wala ci ki bo wala legi leer lol la mais djublu wun ci comme ne voilà motax nit motax leer ci biir lay nek ci biir lay ne du nek ci biti comme niko ñu bari fogg nga xamantene nit ki bu ci day commencer am leer nga xamantene bo xolé ci djebbi day koy gis wala ci kibi parfois sax deug le parfois sax mu am lu mu dégager mais lolu c'est parce que ci biiram dafa am ben ki bu ci nek man dafa am manam leer gog nek ci biir mom moy transformé melni lu xaw matériel manam ci biti comme courant bi rek comme électricité gis nga bo xolé courant bi mom manam énergie électrique leg leg nga mën ko transformer bo mu nek lo xamantene chaleur lay doon tangor wala moy indi ci plug yek yoy et cetera manam plug yi xam boko brancher le fait que énergie électrique bi di jaar après mu daal mu je nek chaleur tangor wala lolu leg leg day am mais l'air mais ci ciossan électricité bi ci jëmi bopam lolu bokku ta tangor wi ngay laal fi ñom ñaar duñu bern sauf que bi mom mo am effet ba tax li tang lolu mom mo indi tay comme par exemple nit ki leg leg mu am l'air ci biir ba param mu am ay effet ci biti comme ni muy lendeume ci biir mu am effet ci biti de telle sorte que tay par exemple bo gisé motax bo gisé ay nit ñu jubadi ni dañuy neex xamé parce que souvent c'est canon day am ñuy mel ci biti rek yow bo len xolé rek da nga xamne ki ki ay wiram woor wala yoy wala bo gisé bandi mi wala kuy nane sangar lu bari wala yoy hein wala yenn bakkar yu bari mi ku koy def dang koy gis ci bo gis xolé dang koy meuna gis ci kanam bi ci xar kanam bi manam wala ci xar kanam bu yo bu wala yoy wala ba far tamit day meuna am comme liñuy wax tamit né cadre gu nek dafa am manam dafa am kira ki bu ci nek yire dafa am balan bo xamantene mom mo koy mom lay sol cadre gu ne day am balan bu mu sol bo xamantene nañ lamuy solo moy day nek caractéristique xol bi xolu ki koy wax cadre yi non lañ mel ce qui fait que lool mom motax nit buy commencer xam nga motax nit ko xamantene xol bi dafa rafet ni da ngay gis duy wax lu ba lu bon ki nga xamne xol bi dafa ñaaw mom moy faral di wax lu bon motax foku fek fo fek kuy saga di ki ki ak yoy xamne xol ba nga yaq wala arab wala da ngay gis sax da ngay gis sax da ngay gis tay nit bo xamantene dafa nekkon ci yoon bu deung bi mu jekki jekki rek commencer selal comme niñ koy waxe da ngay jekki jekki gis waxinam day soppe ko legui waxinam day commencer soppe wa kon mais l'air gi ñi wax fi ma xam nga ta pourtant l'air bi may wax ni nga xamne moy bi nek ci deun bokul sax ak l'air bi tax ñuy wax de bokul ak bi duñu ben han l'air ay façon yi façon la bi nga xamne mom lañuy wax ci walu suluk manam ci walu sogu cheminement spirituel mon bi may wax bi la moy bi man bi may wax ne mom moy xam xam yi nit yalla yi nek ci xol bi nga xamne bo fofu lay parce que ci xol bi lay balle et cetera nga xam tane ay sew sew yu xoot la ay di meun di xamé manam yalla manam compréhension bu yaatu ak yaqeen bi ak tawhid bu deuguer ak yu mel nonu han ak jikko yu bax yi ci bir lañu dug han ay par exemple meuna muñ yoy leer la ay leer la yu nek ci xolu nit motax muy meun di muñ moy tax muy mënd muy gëreum di sant yalla moy tax muy wëru ci yalla di déllu wat ci yalla saasuna et cetera yoy leer mais leer gogou ñuy wax boku tek leer gi ni wax ci manam bi ni wax ci téré bi bu ñuy wax walu haqqatu muhammad ak leer gogou du ben waaw leer gogou du ben leer gogou lu muy tekki moy nekk teef ak nekk moy lan nekk teef wala bok ak nekk wuñu joyal moy l'existence absolue lolou lay tek wa kon déjà différence il faut parce que lolou bu amul rek jaawla day yomb xam nga bu voilà jaawla day yomb domaine bu nek da am lu ñuy tuddé nangam ak nangam comme niñ ko xam nga travail par exemple le travail dans le milieu ouvrier là bu ñu fait travail xam na la ñuy tek moy yallu affaire yi tek fi def nangam nangam et cetera bon meuneuf nako gam gam le sax ak biñu wax ci milieu informatique milieu ki mais économique mais buñu dello buñu démé ci walu médecine buñu waxé le travail par contre la téké tout lool étape la ci étape bu hein eumb manam buñu ki eumb di waji jour koku ben étape la ci voilà lool lañuy wax travail donc bo paré milieu physicien buñu waxé travail tamit djublu wuñ ci lool le travail le travail d'une force nangam lolu djublu wuñ ci travail bi ñi wax ci bo déwé ci milieu ouvrier boku tek travail bi ñi wax ci médecine yépp buñu ben voilà donc yoy yépp manam yu mata xamé la yu mata xamé la dëng kon fi tamit lèr bi tamit non la dëng kon buñuy wax leer ci haqqatul muhammadiyya lol tam point la bu essentiel moy l'existence absolue lol lañ ci djublu muna wal wujudun te nek al mutlaq bañu joyal la yutlaqu def ko joyal illa lul ala zati ci nek gi moy l'essence al muqaddasa bi nga xamantene dañ ko dafa jigg day ci sel moy sanctifier wala sanctissime jalla nga xamantene magna bu upp xelu minde fi wa taqaddasat selna ba taqul luñ koy dindi munuñu imaginer ay impurité suyu diko la wa kawnuhu nek gi mu nek nak mutlaqan de luñu joyal la ya tara ba nga xamne du gar alay ci mom at taqyid ak teunk bi wajinti ben wal minal wujuhi ci wal li an ndax wujudu ak nek mom min zatihi dafa tukki ci nek ci jëmmi bopam mam ci nek nek bopam moy son en son essence mom ci fofu le depart fofu la jugge li zatihi ngir jëmmi bopam ngir nek nek an zatihi wuluf nek nekam fi zatihi ci bir nek nekam manam amul dara kon dara lu extérieur existence yalla amul dara lu ko extérieur lu extérieur lu ci am effet ci mom amul kon lolu mom motax ben dara munu ko teunk xam nga li dara di teunk moy li nga xamne da fay am force extérieure bu appliqué wu ci lolu mais lepp lo xamantene amul lu extérieur force extérieure bu appliqué wu ci lolu rek hein dara du ko teunk day absolu té lolou yalla do nga mel non la dégg mota laysa dé an madda bi tuké ci ak madda moy matière ñu wax matière donc du matière mo génné mo ci la juggé wala du tiagan an kayfiyat ci kayfiyé moy ak nekkil ak amine moy circonstance de manière wala an suratin du tiagé lu tuké ci ak jëm manam moy ben forme wala portrait wala silhouette wala image du yewul ci lool wa min huna motax fi nak kana la nekk mom yalla li mom motax mu nekk wajibul wujudi aji war nak ak am motax yalla ak amam dafa war subhanahu wa ta'ala sallahu wa ta'ala kawanam manam kon fi lañuy waxe ne dafa war manam moy waxon nañ ne buñ waxe ci domaine bi ne dafa war limi tek moy existence ñak manam moy ñak contraire bi do impossible lool lay tek manam ci xel nit mënul imaginer contraire loola wara man may lool moy lu war ci xel ci loolay lu war ci xel manam ci domaine bi ni kama kem li nga xamna anna zulmata naka lan nam haqiqatuha deug deug lamu doon hiya moy ala adam ak ñak al mahdugun per manam buñu waxé lèr kon fofu wax lëndëm han buñ né par exemple une nek yépp lëndëm la woon aduna bi yépp lëndëm la woon liko léral moy lan moy fénuk yalla ci mbir mi ci mbir yi léral lëndëm lool limi tek lëndëm gogou liñ ci djublu du dara lulul moy l'inexistence han ñak am kessé lañ ci djublu mais al mahd bi nga xamné c'est pur moy la pure inexistence lolou la ci dugg moy le néant absolu lolou la ci dugg ci lendeum fal wujudu motax nekte fi kulluhum ñom ñepp zulmatun lendeum la min haysu buñu xolé ci walu annahu ne mom adamun ak ñak la mahdum buy kesse bu raxul dara ñak bu raxul dara la la nuru yata detu leer fi ci mom manam leer bi fi lan lañ ci djublu l'existence absolue wa inna ma li am def nak moy li ko nek ci fi lan la wa kon xam nga waxon nañ ne lolou ki won hadarat nga xamne fa lay amé yalla mom ci hadaratul wujud la né al wujudul mutlaq moy né existence absolue li nga xamne mom moy dafa am lo xamne mom ci moy li nga xamne dafa impossible moy al muhal lu munul ne koku mi ngi nek ci hadaratul adam moy al adam al mahd moy hadarak moy le hadar le sphère le sphère bu ñak complètement légi ci digënté bi nak mu am bénn affaire buy tuddé hadaratul imkan moy hadara les possibilités les éventualités voilà c'est la sphère de la des éventualités et des possibilités voilà fofu moy yu mëna nek li nga xamné dafa mëna nek fofu nak yalla moy sét lepp lu nek ci hadara bobu lu ko neex mu jëlé ko ci adam manam ci ñaka am indi ko ci am lu ko neex mu bayiko fofa ci ñaka am mu continuer di ñaka am xayam na fu ñu ko appé khayal xam nga wala lool la c'est que khayal ci hadara hadara bobu la moy barzakh bi barzakh la ci al en fait wala exactement alamul khayal amuma lañu wax alamul barzakh moy alamul barzakh hadaratul imkan ci alamul barzakh bobu la bok lepp lo xamantene dafa impossible xam nga normalement minde fi senu am mu no lool moy li normal la senu am moy da impossible moy parce que comme que existé wuñ won té lool moy sen tiossane manam moy sen tiossane c'est-à-dire que en principe créature existé wuñ loloy en principe ba kérok muy sop yalla rek mu jëlé len ci am ci ñaka am indi len ci am li la maintenant mom yalla manam nam lool la gis nga nam bu doon hadara bobu existé wul won moy khayal moy alam bobu moy alamul khayal wala hadaratul imkan ñu ko wax moy ki imkan bobu moy barzakh parce que barzakh yi la xam nga lolo tax li existe moy tax existence ni créature dañu nek entre li nga xamantene adam la ak al wujud ñom de man ci ñom dañu nek entre le néant et l'existence créature fofu lañu hein d'ailleurs lolo tax ñu inexistant avant après ñu jek existé parce que yalla mo leen jëlé ci inexistence indi leen ci existence barzakh moy barrière moy l'intermédiaire médiane barrière voilà lolo motax barzakh xam bi aju ci xam bobu moy alam bu barzakh haya moy lolo yoyu mana yoyu non voilà bo en réalité source de science bu maga lolo tax hadara ki yoy boko xamé en fait arifi abdullah lolo moy sen soxlu xam presque da xamanteni fofu lolo il faut parce que en fait lolo bu existé wul won kon par exemple ay namu yalla par exemple ak du ko meuna manifester c'est à dire que ay nam ay katanam yoy duñ mën manifester ay xam yoy duñ mën manifester motax aduna bo wala mul xeyal bobu lolou mom motax yalla bi mën par exemple di mëna wax par exemple ñaan mi ngi jappalé diw manam wala bok tekna loxo diw wala muy tuddu yoy non ay wacc gi mi wacc ci asaman bu jëk bi bu guddigu bu dernière tiers guddigu ak yoy ay boy julli ñaan yaangi jakarlok sa borom yaangi jakarlok yalla ndax yalla mi ngi sa kanam boy julli yoy non c'est parce que affaire bobu da existé su existé won yépp du mëna xayal ki la quoi moy aduna bu alam xayal mo barzakh voilà ci la yu bare mana nekke yoy d'ailleurs fofu ci la yalla di jele melo minde fi ñaan comme yalla voilà comme par exemple yalla day ré xam nga mi ngi rétane ci ki nangam wala day contane wala dafa mer xam nga lolu melo minde fi la ay contane day mer day yeureume day ki parce que bu aduna bobu existé wul won lolu du meuna né mais niki non tamit minde fi ci lañu jëlé melo yalla tamit manam dañu dundu parce que en fait dundu du ñun yalla moy dundu mais ñun buñu gisé ñu mëna am attribut bobu moy vie yalla diñ ko ranguñu ko c'est parce que ci adu manam ci alam bobu ci hadara bobu la ñun tamit ci lañuy dundé di gis xam nga yalla moy gis mais ñun ñu ranguñu touru gis ñuy gis ñi dégg di xam di ci en fait yalla daf ñuy rang fofu ay melom ba paré jël suñu ay melom ci hadara yoy yo xamanteni dafa impossible ci yalla normalement yépp ci hadara bobu lay manifester wo mu mën nek ñun tamit ñu manifester wu jël han meloy borom bi subhanahu wa ta'ala ci hadara bobu la moy barzakh quoi moy voilà lepp nek entre ñaari mbir rek loolu lañu tuddé barzakh voilà comme bammel ni mu nekké digënté aduna ak al-akhira mo bammel kër la bo xamanteni mi ngi fi mi ngi mëna ki ak yoy mi ngi digënté aduna ak al-akhira non motax fofu non ñu ko tuddé barzakh buñ nane diiw dem na barzakh moy barrière bi nekk digënté aduna ak al-akhira fa la dugg voilà mais fofu tam ben la ax fi fu shiwu ni nek khadra bob barzakh yo xamne am nañ ci xam xam am may gennegulen mais gennegulen waaw non lolu mom moy voilà c'est à dire que parce que xam nga shiwuni fofu lañ nek moy ci hadratul imkan gogo am hadratul imkan ben parti la ci barzakh ci alamul barzakh alamul khayal ak yoy yerenbi sallallahu alayhi wasallam leer gi ñi wax ni haqqatul muhammadiyya mom tamit moy motax ñu non ko al barzakhul azam moy barzakh bu mag bi parce que mom moy ki nga xamne mom la yalla tek de telle sorte que lepp lu mu nam nga exister ci ci fofu la manam fofu la programmer moy logiciel bi nga xamne mom la programmer toute l'existence moy voilà hein du début à sa fin toute l'existence ci moy haqqatul muhammadiyya ci lako yalla hein mom moy logiciel bi ko programmer legui nak après dañuy genn manam ce qui fait que ni motax yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam am ñaari volé yoy am volé bo xamantene côté bi yalla la moy le fait que mu nek leeru yalla moy nuru zati ba paré nek aynu zati hein l'être en soi même l'entité même du divin c'est-à-dire que de l'essence divine hein nek sirru zati le secret même de l'essence divine voilà secret yalla moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam di touru yalla bi gëna mak ba paré wëlbati ko nek secret touru yalla bi gëna mak moy haqqatul muhammadiyya lo yenenbi la sallalahu alayhi wasallam motax ci côté bobu duñ wax mindeef la parce que loolu côté yoy yalla la hein exactement légui benen côté bi mom moy haqiqatul kawni manam moy la réalité du monde wala de l'univers manam mom moy haqiqa deug univers bi hein voilà mom exactement moy générateur ba para nek ruhul wujud c'est l'esprit même de l'existence xam nga kok moy ruh nek te fi côté bobu mindeef la. Ce qui fait que nous, mon con, mon, en fait, barrière là entre ce angle bien qu'on voit, mon écho comme en réalité moins bon vu. Vers un angle bien qu'on voit, nous disons nous mon moins nécité, moins créature. Moi, dans dernier film du, l'autre dernier film du, hâte pour Mohamed. Vous l'avez regardé dernier film du tour, il y a là, il tourne pas comme il est là. Voilà, mais moi, il y a une petite somme nek barrière du magbi. Moy le la voilà moy la voilà moy wa mo dañ koy barrière ou lisme lisme wala barrière wala médiane voilà intermédiaire voilà sallallahu alayhi wasallam voilà motax cheikh mati diane radhiyallahu anhu mom aussi ci bir xam nga bo xolé mom lutax xam ni ko wax barzakh moy barzakhul barazikh sax day rengé moy barrière ou barrière wala la médiane des médianes pourquoi parce que mom mo dox digënté yenente yi hadara yenente yi sa fa hadara wala yi de telle sorte que képp kuy waliyu mo la fété kaw mais kuku fété kaw rek ko yenente nga donc mom moy barrière bobu bi nga xamantene lepp lu tuké ci hadara yenente yi alayhi assalam fokk day ñëw ci mom mo koy jël directement après ci mom lay takaliko way dem ci yenen mindeef yeb motax amul dara ci aduna bi ci univers bi ben atom ne serait que ben atom ou particule ludul ci leram lañ lay teubé man mom lañ lay alimenter secret bi ci mom la ci mom la nek ni ci nonu xam xam yi existé yeb mom moy source bi mom cheikh radiyallahu anhu parce que mom moy jëlé directement ci hadara yenen ti yalla sallam diko transposer ci ñeneen ñi ci dess lolu moy barzakh wala motax ni koy waxal barzakh motax xam xamu barzakh xam xam bi aju ci barzakh xam xam bu mak la bu important la bo xamantene source bu ri la ci maaraf ci les connaissances mystiques wa deng kon aduna bi yeb leundum la won ci buñu xolé côté bi keni lan la c'était un néant absolu, l'inexistence absolue. Bo xamné dana amul lèr ci bir wala koduk lèr, ça veut dire que tout ce qui est lumineux, d'ordre lumineux amul won ci mom. Quant à wa inma la am des moy wujuduhu ak nekkam nak aduna bi ak nekkam istamadda istumidda dañ ko tebbe min nurihi ci leram mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallam dilu allah wa alayhi wasallam ta musul wa anhu te ci mom wujide ci la amé wa minhu te tukke ci mom tasawwira ci lañu ko woutale jëm melo forme ci lañ ko woutule forme ak image aduna bi lool la lool moy côté bob mo la nek ruhu wujudi moy l'esprit même de l'existence ci la nekke hein haqiqatul kawn c'est la réalité de l'univers mom moy shajaratul kawn tamit dañ ko koy wax yent bi sallallahu alayhi wasallam moy l'arbre de l'univers hmm mo li ndon wax nga xamantene lepp ci mom la de membre wo lepp ci mom la joge non dilatation bi dafa am bien avant c'est-à-dire que dilatation bi mo existé après et à partir de ça parce que dilatation bi liko indi moy manifestation divine yi nga xamantene mom la yalla manifesté wu ci ci mom rang ko tous les noms et attributs divins et c'est à partir de ce moment là comme mindef yeb ben particule bu nek dafa am touru yalla bo associé motax ya touru yalla bo associé ba paré amul ben particule bo xamé ñaari particule yu bokku ben tour amul ba paré amul ben particule bo xamé ben tour bo xamné day répéter wu amul mais yeb ci yent bi sala sam nañ dajé et que après à part de yent bi sala sam ci lañi ci ci la len yalla amala yalla ni yalla may bëgg sox yent bi sala sam deng wo bi hité ci mom kana ci la amé ci barkem ci à part de mom par sa cause mom moy ki tax mom wa amma ndal nak nuriyatuhu mom ak koduk leram mom leray mom yenente bi nak sallallahu yalla julli allah bur yalla was alayhi wa sallam te musago fala yuqalu defu wax fiha ak mom nurul ak ler mutlaq guñu joyal manam kenn du ko wax ne nurul mutlaq moy la ler guñu joyal c'est mom lañ wax sax moy c'est l'existence absolue moy nek voilà yent bi nak sallallahu alayhi kenn du ko wax lolou kenn du wax ne c'est une existence absolue motax mom barzakh la c'est barrière la c'est-à-dire que mom la yalla ndik amal lutax li annaha ndax mom yenen te bi sallallahu alayhi wasallam nek gi mu nek leer mustamaddatun dagn ko teubbe manam dagn ko puiser alimenter ko min nuri ci leer mom borom subhanahu wa ta'ala ak salanga wa ta'ala takar li annaho ndax mom yalla nak mom huwa mom al wujudul mutlaq moy nek teef rek gi nga xamne nek giñu doyal nak koku nak yalla la wa mana istimdaduhu man ak tebbum legi ki bi lan la istimdad gi moy tebbu gi manam moy le fait que muy puiser wo fofu muy andi manam muy ressourcer wo fofu muy alimenter wo fofu ravitailler wo fofu lan lay tekki huwa moy annahu nek mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam khuliqa dagn ko bind min ajli zati ngir deug nek yalla al muqaddas nga xamantene mom lañu joyal ci manam mom mo day jigi day ci sel wala ba taxul luñ koy dindil la yenenbi sallalahu binduñu ko li ajli shay'in ngir jëmmi dara duna ha lu bokut ak nek yalla yalla dal mom bopam dong lu bindal yenenbi sallalahu alayhi wasallam jeexna ken binduko pour lenen lenen lo gis nak dañ ka bind pour lenen bam dess yenenbi yenenbi sallalahu dong lañ bind ngir yalla kexe jallat mom mo waw kon bindu ko pour lenen luddul yalla jallat mom mi nga xamne magna ba upp xel minni fo taqaddasa te jeegina day ci sel ba taxul luñ koy dindul fala illata amul taxtax moy wala raison plutôt wala amul raison wala entre cause ak raison jege won nañ mais wala amna difference wala dégo wala ella ta kon amul wala tax moy raison boudé cause sabab lañ wax wala wasta du ciagne digënté diglé bayna manam intermédiaire amul bayna wo digeunte mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bayna alhaq ak digeunte bur yalla wi deug taala di kawe khuliqa bindu nankum min ajli alhaq ngir jemmi yalla mi deug la gair ak lenen taxut wal wujudu nekte fi nak kulluhu ñom ñep ala alumum ci buñu ci ñu matale wal itlaq ak buñu len koyal moy ndax ala alumum moy dans leur ensemble wal itlaq et de manière absolue voilà mu'allalun luñu taxal la bi wujudi ci amam mom sallal yalla jul allah bur yalla yusuf sallallahu alaihi wasallam manam mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom moy raison bi tax ñu bind leen mindeef yep nak dans leur ensemble et de manière absolue mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy raison bi tax ñu bind leen gomin ajli te ci mom ngir jëmm mom wujida ci lañ amale al kawnu mindeef bi kul manam nek te fi moy le monde l'univers le cosmos voilà al kawnu lol moy tek lolay tek le cosmos voilà kulluhu lepp voilà pour kon mom yonentou sallallahu alayhi wasallam wala bok hein na dedet manam nek te fi manam kawnu bi cosmos bi leho ñel ko kal khadim kem hein aji ligéel na la manam comme serviteuram la comme kiwum la valet voilà kuy exécuter ay mbirum la dal walawla sudul won huwa mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla jula la bur yalla ci mo salam te musul ko ma aw jada du amal allah bur yalla shay'an dara min al aqwan ci nekiti fi cosmos yalla du ci amal dara wa qad deug istaraba tarkhisna fi hadhihi alqawla ci bi la wax man ko xamne la ilma det xam xam lo ho ñel ko hatta mbete qala munan inna ar-rabb liyurbur moy bur bi borom bi subhanahu wa ta'ala ta kana yalzamu dana war dana takko alayhi ci mom annahu nekat mom ajizun aji laqul an khalq al-aqwan an khalq ci bind al-aqwan manam nekti fi la yata'ta du dikke lo ho ñel ko ijaduha akuk amalam illa ludul bi wujudihi man idara amalak minde fi illa lul bi wujudi ci amam mom yenen tibi sallallahu alaihi wa sallam te musul ko isti'anatan ngir sako dimbaliko bi ci mom wa khurujan ak genn bi ci mom an la ajzi ci sababu mom an la ajzi tukke ci lot manam incapacité incompétence manam ku ko xamanteni xamul dara mom da fay wax ne han yalla bo gisee mu def lolou manam dafa japp ne yalla manuko dafa manul bind manam dafa obligé c'est-à-dire que dafa am lu imposé wu ci mom c'est quelque chose qui s'impose à lui moy lan moy le fait que mom il est incompétent et il est dans l'incapacité voilà hein ci bind minde fi et que hein manam directement rek mu amal minde fi lolou mom da ko manaton motax manam limu il faut que mu amal yenenti ba pare sallallahu alayhi wasallam et à partir de mom mu dogu bind ni ci dess pour meun guen ci incompétence bob c'est à dire que c'est comme si ben moyen la bu koy permettre mu meun djugé ci point A dem ci point B et que mais point B mom mo nek mais il faut mu am ben moyen bu mu fi tek manam comme xétu adaptateur quoi voilà c'est à dire que courant bi deug la sax mën na ravitailler matériel bi mais après kon du matériel bi day yaq il faut mu adaptateur et que voilà c'est à dire que mom directement mu génné won mindi fi rek lool problème la dénga lool lay wax ñay dé voilà ko amul xam xam mom lool lay japp manam mom bu comprendre affaire bi mom té mu japp né lool la mu né kul na dañuy tontu loxo ñël ko né ko laysa nekul al murad nam gi hadal li alladhi wi nga xamantene zikira mom lañ tuddu manam li ni tuddu du lolou li nga wax li ni du lolou mom lañ ci nam wa innama li amres moy huwa moy annahu ne dal li werbu wor moy law sabaqa bu jitu won fi hukmi ci atel wa ilmihi aqam khamam an la yakhluqa du bin muhammadan sayyidina muhammad sallallahu yalla ju allah bu alayhi wa sallam de musal ko la nafatha dinnal kon de wey al hukmu atel ngay deg minhu ci yalla annahu nakal mom la yakhluqu du bind shay'an dara min al-aqwan ci nek ci fi lolu lay tek voilà moy bu fekkonté né limi tek wax ji limi tek moy yalla limu dafa né dafa nam né su bindul won su namul won né ci xam xamam ak sagesam ay ak atem ci atem wala hukmu atem ak sagesam ke ni du bind sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqatul muhabbi yalla du ko bind konanton lolo limi tek moy le verdict bi exécuter wu obligatoirement moy ne yalla du bind dara yeen tibi sallallahu alaihi wasallam mom la jikko amal lepp te le fait que mu amal li ci dess buñ nan ñi ci dess dañena bind ngir yeen tibi sallallahu alaihi wasallam lolo lay tek limi tek moy bu yalla namul won ne day amal yeen tibi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mom rek la bëgg amal directement konanton day atté rek ke ni duma amal dara xexna parce que yalla parce que yeen tibi sallallahu alaihi wasallam mom la bind ngir mom rek moy soppem bu mag bi sallallahu alaihi wasallam ñi ci wala ñi ci dess yépp ci mom lañ joggé après nak wala mu amal ñi ci dess mais mom objectif minde fi minde bi mu bind objectif bi yéneenté bi la sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqatu muhammad mom la nam ci minde fi après ci dess ay ramification lañ do yu ci génné mi ngi melni rek comme ko xamantene wallahi al-masalul a'la dafa tak soxna am ndaw so xamne da ko bëgg rek tak ko ngir ne manam ngir jëmmi ndaw ci bopum la bëgg ndaw ci jëmmi bopum la bëgg bu ci amé dom lolu da ca gënné rek mais mom tak woon sax pour am ci ak mom doma parce que amon na ay dom fenen peut-être wala yu déme non mais mom ki da ko tak ngir jëmmi bopum rek bu ci amé dom lañ ca gënné kess mais hein voilà dom yoy pour ndaw ci la manam mais mom lolou tax ko wona djog liko taxono djog moy ndaw ci djomi bopam garab bi nga saxal rek hein garab bi mu genn ay fruits voilà voilà garab bi voilà exactement na wallahi masalul a'la fa hada li ni wax mana moy mana biñi wax nan manaw tawaqqufi taxawuk al kawn nek ci fi moy le cosmos alay ci ay mbiram mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi wa sallam te musako iz ndax la wo mom yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi wa sallam te musako fi jumlati ci mbolam ak qur'an nek te fi bi manzilati mi ngi taxaw taxaway insanil ayn nek manam minde nitu nek manam min al ayni di tukke ci ki nga xamantene moy nek gi moy yalla voilà l'être en soi même voilà l'être voilà ilayhi ci mom an nazaru ci mom la jeme an nazaru khol min rabbihi di tukke ci borom subhanahu wa ta'ala selangam wa ta'ala kawaram wala wa alayhi ci ay mbirum ci mom ci bopam al madar moy li wurwuro mom moy centre bi centre lepp mom la yalla khol mom la yalla manam moy objectifum mom lay khol mom wala wa fi te ci mom la nek jami'ul i'tibarat mbole mbiri ni baye xel alati yi nga xamne ya tawqafu dana taxawale ha ci mom al wujud nek te fi kama kem ni nga xamne an al insana naka nit ki idha uzila buñu ko dinde min al ayni ci nek gi lay sax dotul nekati al aynu han manam nek gog bi sheyim ci dara manam xam nga buñ nan xam nga buñ né nit ki fu fekkenté né daño manam mom ci jëmi bokkum xam nga tay buñ ko fi jëlé buñ né par exemple ki moy mudu buñ jëmé mudu rek ray ko légui manam mudu ci jëmi bokkum dootul nekkati manam parce que tour bi dafa tégo rek ci kawam yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla djel mom ci bopam mom moy ki deug yalla bind ngir mom deug te mom moy en fait mom moy esprit wu univers l'univers en tant que tel mom la yanti bi sallallahu alayhi wasallam de telle sorte que suñ ko guinni won univers bi ci bopam day daldi mab dañuy gis ne ndekete néant la dafa inexistence ndekete lool nak gisoon nañ ko moy ne parce que yentou bi sallallahu alayhi wasallam moy place manifestation tour yalla ay melom ak nek nekam tamit essence et que lepp ci univers bi ay tour yalla ak ay melom reflet tour yalla la ak ay melom voilà wa hada an-nur te gogu leer huwa moy sayyidul wujudi moy sangu nekite fi wa alam ash-shuhuri ak manam alam moy mandar ga dot ash-shuhuri bu manam li nga xamne mom moy yi ni sédé yi nek ni nga xamne deug deug dañu nek sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa alihi wa sallam te musul ko huwa te mom yent mom la li nak al-muradu mom moy liñu nam bi qawlihi ci waxam mom yelente bi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ko fi hadith ci hadith abu sa'id al qudri radiyallahu anhu bimna hijabuhu kirayam mom yalla an nur moy leer te moy bopam yelente bi sallallahu mom moy leer moy bopam moy kiray gi law kashafahu suko wunni won la akhraqat jinnani dana lak subhat wajhihi magayuk selangam manam borom bi subhanahu wa ta'ala bu jëm manam wala bu xar kanam ma lepp lo xamne wala bu walam ma lepp lo xamne adrakahu joti nako basaruhu ak gisam min khalqihi ci mindif yalla yentim sallallahu alayhi wasallam moy barrière bi nga xamne moy leer bobu nga xamantene su fi nekul won su ko wunni won kon lepp lo xamantene beutu yalla teggu na ci minde fi rek lol day lak sey mom moy hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah wala wa hadha te koku wa hadha nur gogle leer huwa moy sayyidina muhammad sunu sangam muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam is ndax lan huwa mom yentin sallallahu alaihi wa sallam alqa'im moy aji taxaw bayna ya dagal haqi ci kanam bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala namak sallallahu ta'ala aji kaw bil musha bil mubasharati ci manam mubashara moy lo xamne amul deug deug le moy directement loho ñeel ko mom sallallahu alaihi wa sallam wa sallam te musul war wujudu nek te fi kulluhu ñom ñep taxta zulli ci ronu keram lañ ne mom yent bi ci ronu keru yent bi lañ ne sallallahu jul allah bur allah lay ci mom sallam te musul ko mustatiran aji suturlo bi ci mom an jalali wolif nek manam maggaay al haq bur yalla bi deug wa azamati ak manam mom maggaay man massa majesté et sa splendeur sallallahu subhanahu wa ta'ala wala mom yentibi sallallahu alayhi wasallam kon mom mindeef yep ci kero ci ronam la ñe ci ronam lañu ne mom moy ki nga xamne moy manam mo leen sutural moy xam nga keram wala ci keranam la ñe ta xamne mom mo leen sutural ba tax magayu borom subhanahu wa ta'ala han ak man sa majesté et sa splendeur ki wu leen gañu leen laalu leen han wala comme ni wallahi masalul ala mais comme moy ni ker meuna nek ni bas bi wala keru bas bi wala garab bi meuna nek ker bi tax ba jant bi tangoru jant bi dula la lolou mindi fi yeen tib sallallahu alayhi wasallam motax amuñu contact direct ak yalla motax même buñu wax xam yalla en réalité nit ñi duñ xam yalla yeen tib lañuy xam sallallahu alayhi wasallam manam tour yalla yi yalla manifesté wu ci haqqatul muhammadiyya yoy la nit ñi di xam mais rien ci bi lañu du yalla lañuy xam buñ déggé diw da xam yalla limi tek moy manam tour yalla yi yalla fegnal à partir de haqqatul muhammadiyya tour yoy lay xam motax ñu xamna tour yalla ak mel mais du yalla ci bofam motax ñun xamuñu ku dul yentibi sallallahu alayhi wasallam xamuñu yalla yentibi rek lañ xam sallallahu alayhi wasallam deng walaw anna wala bu fekkone annone ko mom borom subhanahu wa ta'ala jika kashafa wunina hada nuru gogene leer manam murilo ko otena voile bob moy leer ni wa kashataho mut manam mu tege ko ne manam wunni ko lem ko hatta mbete raahu mu koy gis al wujudu han nek tefi bi aynihi ci nimu nek deug min khairi wasatati ci lu amul benn digdig nit an nuru bu leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy leer gogo la lahtaraka kon giñ na ne dana lak kulluma lepp lo xamne adraka jotena allah bur yalla basarahu ak gis gisam min al makhluqat tim defi wa yasiru dana mujje don mahdal adami manam ak manam ñak guñu doyal manam inexistence absolue fi asra'i ci lu gëna gaaw min tarfati aynin ci xefa xipi lu gëna gaaw ci xefa xipi lu ci jaakarlo borom bi rek lak ah motax fabi ci sababu wujudi amuk hada nuri dina leer tamatta ci lay banexo al wujudu nek l'existence bil wujudu ci dund ci nek l'existence bo gisee muy am muy regalé wu ci existence bi mu exister c'est parce que l'air gi mo fi né sallallahu alayhi wasallam wa taqallabat muy motax muy jallar beko fi atwar ci atwar moy étape bi moy voilà al masadir balwayi wal wurud ak rotwayi deng intaha fof lay am lolo tax manam étape yep nga xam tane balwayi moy fi mi joge bu na nangam nangam ko waral nangam ci nangam la balle ak fi nga xam tane fa lay wadde falay jaar falay mujjé yépp hmm étape yoy yépp bo gisé ñu mindé fi di ci jallar bi parce que mindé fi tamit non la da fay am début mag comme nit ni mi mel day judd di mag ndank nak di yaru di jaar ay étape di jaar fu etc ba kéro muy dé dé après dem barzakh yowmal khiyamati etc mu dem aljana wala sahara mudi ci borom subhanahu wa ta'ala jehna intaha fofu la wax jojé legi qawluhu wax bi wax nak asari ne moy ki daw gogou lan lay tek xam nga dañ moy leer gi daw ñu talal gi daw gogou manahu limi tek anna won nak at mom yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam te musul ko sarin adi daw la manam fi jami'il mawjudat ci mbolem nek te fi kasrayanil ma'i kem daw ndox fil asjar ci garab yi gis ngeen ni ndox yi di dawe ci garab yi ndox boko arroser ci garab yi dañu gis après day jaar ci sève ci veine ki wu et cetera ni mi dawe non ci garab yi de telle sorte que moy tax garab yi di meuna mag di meuna taxaw di meun di continue exister et cetera moy tax muy meuna joxe fruit yu neex ye et cetera daw gogou mu ci daw lolou lay tek manam mindif yeb yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy daw seen bir comme ni ndox di dawe ci garab la qiyamah di taxaw laha diko ñeel mom garab gi bi duuni ci lu ndox mom niki non nit tamit manam minde fi tamit seen existence du meuna taxaw du meuna effectif lulul leer yentou sallallahu alayhi wasallam mo ci daw motax watin kasirat gogou daw nak min wu tukke ci mom yentou bi sallallahu jalla allah wa rabbul alayhi wa sallam te musul ko fil mawjuda ci nek te fi la matma'a detu ko xemem tef lil aqli ñeel xel fi darkiha ci dab ga xel munuta dab nan la affaire bi di demé mom lim ci meuna xam rek moy mbir mi mbir mi amna mais naka la leer gi di nekk ci mbir yi di ko tax le def lolu du ko xam manam motax bo comprendre rek lolu rek doyna lay do na la ci doy rek mi compréhension am mosque yalla wuññi la leer wuññi le voile bi dindi voile bi ba ngay gis entité mbir yi ak sen existence nan lay demé réellement yalla daf koy amna walu yu mu defal lool ñu xam daf leen dindi voile bobu ñuy gis affaire bi mi nekké té li gëna yéme man lool jall yu yéme ndax li gëna yéme moy lool day and ak né nit koku do ko xamé bobu gisé lolu ci gëna yéme parce que day dund comme ñepp manam normalement dans la vie de tous les jours il est comme monsieur tout le monde lolu ci yéme c'est yalla yalla fam hmm den wala an du tiager an yahuma ci muy fey ci muy wër wër lo bok hawla khimaha ci le wër ak karangem lol tamit du ko man manam muno tamit manam autour de affaire bobu tamit muno xel muno ci wër deng fama wasala du jokk du joté ilayha jëm ci lolou ahad kenn min al khalq ci min khalq la ci mindeef yalla yi kenn ci mindeef yalla yi du xam bir mom numuy def du fa accéder wala arafata du xam la ha ñal ko kayfiyatan ak nek wala suratan manam ak naka wa kayfiyya moy ak naka la mbir moy amé moy circonstance de manière wala suratan du tiagen ak manam melo manam forme nan lay taxawé du ko xam wu kullul wujudi mbolam minde fi nak fi hijab ni ngi ci kiray an hadal idrak ci li aju ci bobu rek joté accès ci mbir mom yaani manam limité ci nak moy idrak joté asriya asriyat moy ak daw gi rek min wudi tuké ci mom kilu mawjudat ci mbolam nek te fi momi entou sallallahu alayhi wasallam mi dawe ci yenen nek te fi lol lañ wax mais nak le fait que muy daw ci nek te fi ngay gis ni effectivement mo ci daw lol man nañ mais li mën ta nek moy naka la affaire bi di amé ak forme bi mi amé fama adrakat ha motax joté wu ko sax akabirul malaikatu fonkolu malaikay al alina way kawaya malaikay daf ci am ño xamantene ñom ñoy al alina do ñu kawé na kaw al alina min al malaikati ñoñu nonu maqama biñu amé ñom ño raw siddiquna yi ci nit ñi ñe yeguñu degeere yenente yi walaam salatu salaam xéetu malaaka yoyu malaaka ci malaakatul muqarrabuna lañ bok wala akabir du tiagen ponkal al anbiya yenente yi sax faf wal mursalin ak ñu yoon ni alayhi wa sallam sax daq ci ñom assalatu jullu wa sallam ak sallam kulluhum ñom ñep nak lam yashumu xéntu ñu la ho ñeñ la ha ñal ko raayatan aw xéetu mbir mom amay déme xéntu wuñu faman dunum kon nak ñu gëna tuuti ñoña ahra ñu gëna yey a fortiori ñu gëna tuuti ñoña nak wa awla manam ah wala ñu gëna yey manam ahra mo gëna am manam wala comme manam ahra moy a fortiori wa awla moy a priori wala donc wala wala yazuq tadu mos minha ci mom shay an dara amul kenn ku ci xam dara wa ghayatu sarayan manam day da wala ñu yom fofu inshallah ñu yom fofu jotal bi ñu wa me dal ala kulli hal manam bi yakarna donc no leer na alhamdulillah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah